c'est l'heure de Silo Hind à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneck. Bonjour tout le monde, c'est Anne et Henri pour Entar Brezhoneck. Alors avant de commencer avec la 328e de Gariou Arvué, je voudrais juste vous dire que vous pouvez nous écouter, nous et toutes les autres émissions de RKB, sur www.radiobraise.net. Voilà, à toi Henri. Oui, voilà, donc on va mettre encore quelque chose là-dessus. Donc aujourd'hui, j'avais pensé qu'il était peut-être temps de traiter Marthézée. Bah ouais, parce que c'est utile quand même. Ouais, Marthézée, hein, peut-être. Alors, c'est un mot qui se prononce de façon un peu différente selon les endroits. Ici, on dit plutôt Matrezen, hein. Il y a une forme plus courte qui est Massen, hein, ou qui est Marcé dans le pays Vantais. Et donc, Massen, on l'entend par ici aussi? Oui, on l'entend par ici aussi, hein, Massen. Hein. J'avais un oncle qui disait souvent comme ça, quand on lui parlait de quelque chose, il disait « masse noire hein, ». Peut-être bien, quoi. C'est un peu un léger doute, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est un mot breton, un mot invariable, hein, qui rend à peu près le français « peut-être hein. ». Peut-être qu'il y a un peu plus de doute que dans le français « peut-être ». Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent. Et dont on a fait aussi un mot, on peut dire « hors Marthézée » pour quelque chose qui n'est pas certain, pour quelque chose qui n'est pas sûr. Une incertitude, quoi. Une incertitude, oui. Voilà. Par exemple, quand on en fait un mot, on peut le mettre au pluriel aussi « Marthézéou ». Par exemple, il y avait un proverbe qui disait « Des gants de Marthézéou, ve morgue de l'ouéou ». Ce n'est pas avec des « peut-être » qu'on nourrit les veaux. Il hein. Y a aussi « Björn Björn Marthézée zoet gant bleil pelzo, hein. La vache hypothétique est partie avec le loup depuis longtemps, quoi. C'est un peu tarabiscoté comme histoire. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est donc Marthézée, Matrezen, Marcé, Marsen, hein. Voilà, différentes formes. Et donc, à partir de cette racine, Marthézée, on a de différentes, différents mots, par exemple le verbe marthézan, hein, marthézéan, qui est supposé, hein, marthézéus, donc adjectif, qui veut dire hypothétique, hasardeux, hein, drasés au marthézéus, hein. Voilà. Et alors un mot qu'on utilise qui est plutôt dans le breton actuel, par exemple quand on fait des mathématiques, marthézéaden. On a connu l'inconnu. Non, c'est marthézéaden, c'est une hypothèse. Ah, ouais. Une hypothèse. Alors, c'est un mot féminin, hein. Vartéséaden, hein. Voilà, une hypothèse. Alors, il y a beaucoup d'expressions. Alors, on trouve ça, le mot Marthézée, on le trouve dans la conversation, hein, c'est très courant. Dans les chansons aussi, hein. Ne regine que de blanc, mon Marthézen ben et blanc, je ne me marierai pas cette année, peut-être l'année prochaine. Hein, c'est une polka. Dans les proverbes aussi, une forme courte et une forme longue, Hemar na Marthézée. C'est-à-dire sans contredit, sans contestation, sans aucun doute, quoi. Hemar na Marthézée. Par exemple, il y a un proverbe qui dit Hemar na Marthézée, trisrog ne zon trébé. Hein. C'est-à-dire sans conteste possible, le trépied à trois pieds. Hein. Ouais. En français, ça fait bizarre parce que c'est trépied et trois pieds, mais hein, trisrog ne zon trébé. Hein. Un trébé, donc, un ustensile très courant dans la vie quotidienne d'autrefois. Mmh. Un peu moins aujourd'hui, c'est rare qu'on mette le pot sur le trépied maintenant. Voilà. Alors, il y a d'autres façons de le dire, hein, de dire peut-être, hein. Par exemple, zuroir, hein, très très employé. Hein. Oui, ouais, on entend beaucoup. Ouais, zuroir, hein, sans doute. Hein. Une forme un peu plus élaborée, halfebout ou halfebaisan, hein, ça pourrait être possible. Hein. C'est du langage soutenu, là. Oui, Halfé. Halfé Boud, Halfé. Mais ça se disait pas mal, hein, autrefois. Halfé Béant, hein, ça pourrait être vrai. N'est que quand Marthézéou, hein, ça j'ai déjà dit, il y avait Morgue de l'Ouéou. Et ben donc, c'est pas par des suppositions qu'on va nourrir les veaux. Ben, je pense qu'on va s'arrêter sur cette certitude. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Bon, alors on est parti pour la deuxième partie d'émission, donc Brezhoneck, temps m'attend. Brezhoneck, Alors, place à la seconde partie de Hentar Brezhoneg, c'est Brezhoneg Tamba à Tamba. Comme d'habitude, on va faire un petit tour à Zantolok. Et la dernière fois, on était avec le président du club André des boules, Gac, ouais, qui était le qui nous parlait du boulodrome de Zantolok, qui était particulièrement animé. Hein. Ah ouais. Il y a toujours du monde. Hein. Et donc, il y a une association intercommunale entre Ploudériens et Zantolok, qui est Bertevoulou, et qui donc organise plein de choses. Donc, on a entendu un petit peu la dernière fois, puis là, on va entendre la suite et la fin. Entendu, on retrouve Yfik, donc, qui interviewe le président du club de boules. À pied aux œufs d'Ahoy Boulou. Rigo, Zenalison, Péguir, Nenyamza. Maigret, Veyve, Scholar Boulou, Vidre, Yowang. Scholar Boulou? Ya, Diskinere, Yowang, de Roy Boulou. Evelvedisque, Trowel. Agormes, Scholl, Zo? Ya, Mirazé, Diouvejer, Mis, de Mera, d'Aberde. Age, Vegenamza, Vegret, Yve, de Zaden, de Beuré. Avec un homme, j'avais gradué un stage, pardon, et vi disquine pose, ou à une pédreur blanquen, tenno, ou à roule, pé, ou à poc, on t'en peut sorte, à plusieurs durveilles, mais de dorvé, je menais que de velt. Ya, André, donne rien. Voilà, donc on va reprendre ce dialogue. Donc on voilà. Était resté sur l'école de boules, et c'est là-dessus qu'on reprend d'ailleurs. Oui. Donc. André demande, Yfik demande à André, pardon, à Piouazeux d'Arroire Boulou. Oui, et qui vient donc jouer aux boules? Alors André répond, Arégoz en Alison, Pégur, Ya, Arégoz en Alison, donc les vieux, les anciens. Hein, Le plus souvent, Pégur, Neunyamzer. Alors en breton écrit, on dit aux deux, hein, mais bon, nous ici, on dit Neunk. Hein. Bah, ils ont du temps, c'est ça? Puisqu'ils ont du temps. Ah. Hein. Mais Grédve Yves, Scholar Boulou, Vidare Wonk. On fait aussi, hein, il est fait aussi, hein, c'est une forme passive, Gretveivé, scolar boulot, évidemment. On fait aussi, donc l'école des boules pour les jeunes. Alors, Yfik réplique, scolar boulot. Ah oui, il est étonné, scolar boulot. Ouais. Voilà. L'école des boules. Ouais. Alors, André dit, il y a, diskinareyong, d'arroire boulot. Ouais, alors là, la forme, c'est, si on traduisait littéralement, apprendre les jeunes à jouer aux boules. Hein. Ouais. Deskin de Rayo, on pourrait dire aussi Deskin de Rayo, apprendre aux jeunes. Mais en breton, on peut dire Deskin de Rayo. Hein. Donc, apprendre aux jeunes à jouer aux boules, de Roari Boule. Hein. Velvé Desket Trawel. Voilà, Velvé Disque Trawel, hein, c'est-à-dire comme on apprend autre chose. Hein. Voilà, c'est-à-dire en enseignant, en fait. Oui. Yfik demande Agur Mersko, Mesko, Lazo. Voilà, donc, et il y a un maître d'école. Hein, des fois, on dit Kellener, Hélénère, mais là, il emploie le mot Mezcol, quoi. Alors, André répond, il y a mi arésé. Il y a mi arésé, hein, c'est mi-arésé. Moi qui fais ça. Oui. Vecher-Hermis. Dit Vecher-Hermis. Ah, dit Vecher-Hermis, mais ça s'est effacé sur ma feuille. Dormer-Herd Abardé. Ouais, donc deux fois par mois, Dormer-Herd Abardé, le mercredi après-midi. À Vecher-Hermiser, Vegret-Yed à... Zalandabur. Zalandabur. Ouais, et Vecher-Hermiser, de temps en temps... Une fois le temps, comme on dit dans le pays gallo, hein, c'est exactement la même forme. Vegredive der Zarden, on fait aussi le samedi, le matin, de beurre. Hein. C'est des sessions de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et alors, il y a la formation accélérée, là, c'est Arvegenamser, Vegret Ié, leur stage et pas dans des vides qui posent. Alors, Arvegenamser, bon, de temps en temps, Vegredive leur stage pas dans des. On fait aussi un stage, pas dans des toute la journée. Alors là, il explique un peu ce qu'ils font. Évidier ce qu'ils posent. Pose, c'est poser, hein. Hein, c'est placer sa boule, hein. Warren Pedreyer Blancon, c'est-à-dire tout droit ou par la planche, parce qu'il y a deux façons de poser, hein. D'accord. Soit tout droit, soit par la planche, c'est tout un art. Hein. Dreyer Blancon, hein. Voilà. Ten, war. Tenno. Ouais. War roule, p war poc, c'est-à-dire on tire à roule. En faisant rouler la boule ou à poc, en jetant la boule dessus. Voilà. Il y a le demi-poc aussi. Hein. Ah. On tire et la boule tombe un peu avant l'autre. Hein. Voilà. Un tombe bepsort. Un tombe bepsort, un peu de tout. Hein. Donc, ouais. Vraiment les bases du jeu. Quoi. À plija durvé, dit André. À plija durvé. Et on a du plaisir, hein. Il y a du plaisir. Alors André, pour finir, dit à Yfik, mais deux tonnes un vejbenak d'avait là-haut. Ja, mais de te revêchbenek de vélo, mais venez un jour pour voir, hein, un jour quelconque, revêchbenek, une fois quelconque, hein, pour et, voir. Et il fique le gars de la radio qui dit « Y'a André, Donnerine », puisque il fique ne dit jamais non et qu'il promet jamais non. Il viendra. Il viendra. Bon, eh ben on va rester là pour aujourd'hui. Eh ben voilà, et puis après on va passer à Petrazone Vervro. Petrazone Vervro. Calze dro evel just boer vej diouzan. Krogom de dientan vel custum grand la bourdouar. Neus ke gwal belzo, oa bet lar edo oa war ar bet 16 miliard dut. 16 kwej mur, vit pez oa ba bla mila iskan. Hag evel just ar gud en zo, rein bouet te tout en dut. Ka calze den dut oa rebet, neus ke nun ke trawar te zi bijiz oas, hag pel o han ema meus. Gouskoude oa ar bet zo bouet oar, Tre, vitou d'un dune m'avait fait bid in gal mar d'un trou. Hantor kan de l'asso, pe vije kom ze deus ar bla d'auville, kal ze du de jonge e vije bi moyen de var gant dud gant pilulo pe tramant gant trou evel biftek petrol a chao sors, hag kal ze zoton yel un bose. Bremañ a war an boar, neus ket met frouez un dou ar a frouez ur mor, hag zo kap de reik d'un dud ur bouet o neus ezan. Met evit se, et redkad evel just doujans de zorbet, de la harade doujans de zun doua, de zun dour, de zormor. A betag bremañ ne yak d'un trou, war an tuz, jiwas, p'dur lezen an erran, ezo o ren ur bet. Da skouer un douar labour, de zo deb d'vouniz tre bremañ, evit ze vel tir, pe hinchou, pe tache nou labour, a pep sort trouel, pe o ner borz vel ba, y trant varia l'anei, a ze, ve komp ze kal ze se, ur mar eman, hag ur brovranz ve kolet war dro per hande vezar de douar labour ad bemde. Pe so kaz evel just, hein, pe dur ze rao war dro un departement be pseis la, ve kolet. Hag ba departement o d'ou en arvor ve kolet war dro 3000 devezar ad be pla. Ma meustra, vraiment, vers croc de jonge à l'ontem, ve febit ret diwal muor de zun douar. De zun douar la bourret, da square, ha nevez ad un ti ezo kreisker, hein, pas der un ober tir mez de sker, ha dimplij un usine ozo bedi leusket, a gwellet veze, hein, bon ve tabud ou gonze, hein, vel lar en dar gant erborz i trant varia l'aneir, putur, as vo kolet war dro per mil devezaran, hein, hag bon zez o kalz douar labour ad benefin, quoi. Bon, setu, tam a tam ve jonge de vo ret diwal deus un douar labour. Mais ur war vo pel un dud, hein, vid jonge al mat basik, hein, evel just, hein, vid zer ieran, e gwellar lakad un douar de zevel tir petroel, met jiwaz, hein. Aze, zo roaz ba kastel pol, hein, zo tabu grand si, pu dur oa, un taschen labour gant ar sika, hein, zo tabut au ganze, bion vet tapakaz douar labour a droaz. Vi chou montan moa taschen labour douar, oa vejen amzor e gontandar deus un itu pe guinis du, hag ur blaso oa beret de oa bero et d'ur blid de ni guinis du braizis, lor label, hein, ve l'art de ze o ni GP, hag guinis du bremañ breiz neus labels ma peusoan. Guinis du zo behadet pad pel zo e breiz, hag in plij d'or kalze drau vel ur rampouz, hein, ma kalze drau el, mam eus ve gret bir gant guinis du, hein. Metro ur blavez yo trugen oa bet di leuske de breiz, setu pereg ve digas do ar dro 10.000 ton guinis du be pla, deus bro Chine, deus Hanada, deus Lerel. Hag mam eus tram, zo bremañ oa dro 6.000 devezar ad guinis du breiz, hag eiz vilin zo o hober bleut guinis du evel se. Bon, ur vejman anke de gomstar kalz deus nendro, na deus politiker, na deus ekonomiez, ben vejel vo komz de se, hag tientor hem hudu war de gomz deus zevenadion. Un DL d'un détient en vice-tierzu, oua bazan Nicolas, obidou Emmanuel Payet, pe Manu Payet, pe Manuel Payet, hein, hag zoet nan ang de doa de tribla perugen. Manuel Payet, zo oua rana un mod bazan Nicolas, gant oua bet ba plijdi, bla eiz a warnugen. Hag an bon pe oua yaouang oua et ri studi ba skol i tronvar ya gwengant, l'air oa krog de skrivan gwerzenou. Da skwer ur bla onan a hanter kan, neus im bandet lever gwerzenou dis barzon egou, handvet broussaille. Hag lever zo an dastumadeg barzon egou skrivet gantan. Oa l'air neus bet balé et kalz, hein, gret deus bep sor micherioù, hein, eurog don ben er fin de Zan Nicolas de Chom, oa il eve, ba bla tri a perugan. Hag Manuel Payet oa bet glahar et tre pe oa bet mar iva, ben, pe dur hez ne oa ken me ugen la, pe oa bet lar et un or gwalzar vout. Hag ne ke bet gwal ever us benefin bu e mar Manuel Payet, hag zevez antet pe velen de varzon egou, hein, skriveneuz da skruer l'histoire de ma vie e bien triste roman. Vel meuzlar atar Manuel Payet oa krog abrit de skrive an gwer zenou, pe oa ba skol ba gwen gamm. Plijere dan kalz varz de plijere dan vel hag kalz skian ni oa warze, oa varzon niz, hein. Barz et vel ronsar malarmé à Verlaine. Hag vel meuzlar et ar an den eus ki an braz oa hag skrivor e gwerzen ou bemde skrive. Oa an ket pet gwerzen ou neus bet skrive dis, lar et ve oar dro tri ugen mil pe dis, zera tri mil barzonek hag nanternez o bet imbandet, hag nanternez o chom di imbandet. Plijere dan skrivan un or mot klasel, ober emam eus aliz gant gwerzen ou daouzeg, hein, pe zvelar din gal ag Alexandrin, hein, gwerzen ou daouzeg troc redre nant, razé, hein, alar de neuz, ban or varzon, neuz lar de oa en Alexandrin, mon copain de collège, et ma force patiente. Hag en an vele en fentuze pe velen tro en an vele vel or sort Zakriskos. La skrive neus da skwer comme un vieux sacristain qui boit dans le ciboire pour partager la gloire des martyrs et des saints. Hein, fentuze, hein, an tom. Neus ke kalz de tro fentuze ba gwerzen ou Manuel Payet, met tambo tro me mestra. Hag ous penze an den kar ivro oa Marcel Pey, Manuel Payet, pe lar en mod, kalz deus ivarzonek ou gomz deus ivro, hein, deus breiz evel just, hein, pe dur lar e oa breiz ur vamm evitan, a deus un argoat, a deus ur pelem, hein, mon cher vieux pelem, velar aliz ivarzonek ou. Ya, kaye tout de varzonneg ou enfin remus belen de bopel zo ingal hag an oa rank da gen eus beskrive trao en brezon hag an ma trez en eus begren men onke zur hein. Alize mambes bon plusieurs lar en oa car et ivro kals gar et ivro kals Alize neus bet gret de nicher hein, vid un dut hein, un touriste de pétudel a tut de ce vro de zisolo in or vro tro a dro de zan Nicolas hein. Goudoran e bet Alize amme ba pure d'un ka plijere horn vro dan ezo on den hag bon plijere dan kals vro Scriveneuse d'Asquire, je suis né de la terre au temps du Sarrasin, bien avant les blés d'or et leur riche apparence, et j'ai marché pieds nus dans des chaussons de foin. Hein, je veux dire, ouais, chômerai, tout dit yo wankis ne se bête de tramne, bah, plus je dis, chômerai, venant de tésor évitant, hein. Blapé ma hanter can, ne wa bête hanvet bars, va carnac, ag, non, ni wa di bob, des taldirik. Warank pereng ni joa di bob de nang ma trezen blamour de taldir hein. Puis dur taldir ou au bars brud d'un ne skeder brogos à trois sorts mais non que sûr de c'est bon et dit vraiment Manuel Payet de nanang ag chomerei var son ego ou il est hein. Ag ma trezen orvich penek ne fait be mod over on abord de warzi on abord de hiro en temps war bu et Manuel Payet hein ag war il abour war Vagenou RKB. Voilà de vos aimes. VGL, moi là, retard, y'a, moi, comme c'est tard de Jean-Claude Gégad, hein, ou t'as la barre d'heure brude de Mar Trégon de Lasso. À moi là, de zone et gandon no grower, à goa, hang, polluez-lou. Pes n'est que guir, mais change à loin de bah polluez-lou, hein, zo, quand heure brude, heure bavro, hein, mais n'est que polluez-lou, hein, puis y'a, ouais, lou, IUL. Bon, ma treize en aurait neus bé clé d'un reward à neus bé plus jade en grandine, neus l'arme, mais pétez oua yohem. Bon, clèvent peus yohar, boire vagen ou RKB, zo mouez ou neve, hein, vraiment, les naïques Jobert, anna han bri ag moal, ag anna brigand zo en grandine hudu yohman, ag bon, gisseve clèvent don tom mouez ou neve, azez o. On t'en marvel yo wankis ba RKB, a zizon dravad gaftin. Bon, kal ze du de neus zo vraiment au klask diski brezondag. Evel juz zve bepsor mo de ziski brezondag, hein, kentel yo nonz, dre lizer a bepsor. Hag on e babla yo zo, wa bet imbande do nenten vid pur metode ma peswan, vid diski brezondag, wa brezondag primadio. Hag vraiment zo gred o neuad an oarze, hein, zo gred gant yann ber kemener, hag an tresaden ou nono, hag e neuad an zo e brezon eug pel avonus. Hein. Hag bon zo kalz drao vi rezo tiski brezon, hag a mam eus videre, hala, ka der mat ve diske trao. A juzman nono, neus imban eud o lever di war ben prederourius, pu dur... puis philosophie ce m'a peu soin puis dur nono ou à quel énerve ou à heure près des rouges hein ag vraiment mon roi il est vers nos hamzer mieux hamzer vite dit du yen du hein ag zézomad hein canono zo plus juste éveil très sadé nos nono ou éveil juste fait je n'en besoin grand temps d'art de ce qu'elle est hier au galop puis brésu elle m'a peu soin Hag das tu en eus zo o himban pez labour bras, di war ben labour Albert Poulain, bod zo hanvaad mad, zo deus bro redon, hein, deus pipriak, pevet, hein. Hag hez deus bet das tu me kalz e draou, hag se tu vo himban eus gant das tu me on tamad deus labour neus begret. Végenom se contenta arriver de se mirdir vro zo breiz hein calze de sur de semaine fawed morbien hein yak fawed el zo ba bodreger mené que hise ba morbien zo mirdir hein l'air fait quoi la dalise disqueza des gouroir livourien hein agnes b de label musée de France hein p de discours zicour en nombre bénéfine de gazoirog irak tressou. A bêta vraiment vigé d'igor de Wermis port de blanc, ma trezen, ou à l'air vaut d'igor de Nomis Bordebla. Hag brau e Montevel de mirdi ur faouet an eke gwalbel benefin, hein, deus ur vro am. Bon, setu gant me mont tamp tro war ur vro hag benvegel vo la retrawel c'hoaz. Ken a vo.